monde s'en allait. Je parlais, tu écoutais. Quelle triste fin pour tous les mots auxquels je m'accroche encore une fois dans mes rêves. Rien ne peut être plus vrai. Je ne veux pas avoir affaire à ceux qui me déplaisent. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Pose-moi sur un piédestal, plante-moi au pied des étoiles, jusqu'à ce que je te promette un peu de passion. Des diamants dans la piscine me rappellent à quoi ressemblaient nos nuits avant de plonger dans la routine.